Saint François d'Assise, la légende des trois compagnons, Arvède Barine, nom de plume de Louise, Cécile Bouffet, épouse de Charles Vincent, Hachette et compagnie 1901, Marc M. Dan, archive.org. D'après la numérisation de l'Université de Toronto, John M. Kelly Librairie. La légende des trois compagnons est précédée dans l'ouvrage cité par la vie du saint en 5 chapitres. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique. Les trois compagnons, frère Léon, frère Ruffin et frère Ange, étaient trois des disciples familiers de saint François. Nous avons longtemps passé les journées avec lui, dit leur épître dédicatoire au général de l'ordre des franciscains, ce qu'ils n'avaient point vu de leurs yeux et l'ouïe de leurs oreilles. Ils savaient à qui s'adresser pour en obtenir un récit véridique. Quant à leur propre sincérité, elle éclate à chaque ligne de la légende. Sans génie, à force de conscience et de loyauté, ils ont fait un chef-d'œuvre, cette légende des trois compagnons. En latin, a dit le dernier biographe de saint François, Monsieur Paul Sabatier, est le plus beau monument franciscain et l'une des productions les plus délicieuses du Moyen Âge. Il y a dans ces pages je ne sais quoi de doux, d'intime, de chaste, une sève de jeunesse et de virilité que les Fioretti rappelleront sans y atteindre jamais. La légende des trois compagnons a été terminée le 11 août 1246 à Grossio, petit couvent du Val de Ritti, qui avait été l'un des séjours préférés du saint. J'ai tâché de conserver dans ma traduction le plus que j'ai pu de la candeur et de l'adorable gaucherie de ces hommes simples, si étrangers à toute préoccupation littéraire. Il convient d'avertir que nous ne possédons pas cette œuvre exquise en son entier, dans la forme où elle nous est parvenue, on n'y trouve presque rien sur les 6 dernières années de la vie du saint, les plus importantes à certains égards, et les 2 derniers chapitres semblent n'être qu'un résumé du récit primitif. Ce n'est pas ici le lieu d'expliquer l'origine de ces suppressions. Il faudrait entrer dans le détail des dissensions qui ont déchiré l'ordre des franciscains dès le lendemain de la mort du fondateur, et c'est un autre sujet, un autre monde aussi, où les passions et les faiblesses humaines reprennent leur empire, où la pensée est ramenée de force vers des misères que le grand mystique avait su nous faire oublier un instant. Voici des choses écrites par trois des compagnons de saint François au sujet de sa vie, de la façon dont il se comportait dans le siècle, de sa conversion miraculeuse et parfaite, ainsi que de l'origine et de la fondation de l'ordre en sa personne et celle des premiers frères, de sa naissance, de sa frivolité, de ses délicatesses et de sa prodigalité, et comment tout cela se tournant en libéralité envers les pauvres. François, ce bienheureux, cet homme évangélique, eut pour père Pierre, fils d'un marchand nommé Bernard, donné uniquement à donner à acquérir les biens de ce monde, mais sa mère, nommée Pica, était de bonne naissance. Celle-ci, comme une autre Élisabeth, enfanta ce bienheureux fils en l'absence de son père, qui était allé en France pour son commerce. Et elle avait donné d'avance à l'enfant attendu le nom de Jean. Le jour même où ce bienheureux enfant Jean-François vint au monde, un mendiant étranger se présenta à la porte de la maison, et, après que la servante lui eut donné quelque aumône, il lui dit, « Je t'en prie, apporte-moi l'enfant qui est né ici aujourd'hui, car j'ai un grand désir de le voir. » La servante refusa, mais il insistait, disant qu'il ne s'en irait point sans l'avoir vu. La servante le renvoya avec indignation et rentra. Apprenant cela, Dame Pica, tout étonnée, lui ordonna de montrer l'enfant à cet étranger. Alors celui-ci, prenant dans ses bras le petit François avec joie et respect, comme autrefois le vieux Siméon avait pris l'enfant Jésus, s'écria, « Aujourd'hui, dans ce bourg, Deux enfants sont nés, dont l'un, qui est celui-ci, sera des meilleurs, et l'autre sera des pires qu'il y ait au monde. Que le meilleur fût François, cela est clair pour tout. Quant à l'autre, beaucoup ont affirmé savoir qui il était. Le père, à son retour, joyeux d'avoir un fils, lui donna le nom de François, à cause de la France d'où il arrivait. Quand il fut grand, et que son esprit se fut ouvert, il pratiqua le métier de son père, c'est-à-dire le commerce, mais de façon bien différente, car il était plus gai que son père, et plus libéral. Il aimait les jeux et il parcourait nuit et jour la ville d'Assise en chantant avec ses compagnons. Il était large dans ses dépenses, et il employait à des festins et à d'autres divertissements tout ce qu'il pouvait avoir et tout ce qu'il gagnait. Ses parents lui en faisaient souvent reproche, disant qu'à lui voir faire telles dépenses pour lui et pour les autres, on le prendrait, non pour leur fils, mais pour celui de quelque grand prince. Toutefois, comme ils étaient riches et qu'ils l'aimaient tendrement, il tolérait cette vie et ne voulait pas le tourmenter pour cela. Et sa mère, quand elle entendait les voisins parler de ses prodigalités, répondait « Que dites-vous là de mon fils ? Il restera, malgré tout, enfant de Dieu par sa grâce. » Ce n'était pas seulement pour les divertissements qu'il était large et même prodigue. Il dépensait aussi beaucoup en vêtements, s'habillant d'étoffes plus chères qu'il ne convenait à sa condition. Il avait des raffinements si singuliers que parfois il faisait coudre à une étoffe précieuse un morceau d'étoffe grossière. Néanmoins il était naturellement courtois de manière et de langage. Jamais il ne disait à personne un mot grossier ou blessant, et même, quoiqu'il fût un jeune homme gai et léger, il résolut de ne rien répondre à ceux qui disaient des choses grossières. C'est pourquoi on parlait de lui dans toute la province, et beaucoup de ceux qui le connaissaient disaient qu'il ferait quelque chose de grand. De ses vertus naturelles, il s'éleva par degrés à la grâce de Dieu, et il en vint à se dire à lui-même « Puisque tu es courtois et généreux envers les hommes, de qui tu n'as rien à attendre si ce n'est une faveur vaine et passagère, il est juste que pour l'amour de Dieu, qui récompense si largement, tu sois aussi courtois et généreux envers les pauvres. » Aussi visitait-il dès lors les pauvres et leur faisait-il d'abondantes aumônes. Et bien qu'il ne fût qu'un marchand, il tirait vanité de son opulence terrestre. Un jour qu'il était très entouré dans la boutique où il vendait des étoffes, un pauvre vint lui demander l'aumône pour l'amour de Dieu. Il la lui refusa, retenu par l'amour du gain et le soin de sa vente. Mais bientôt, touché par la grâce divine, il s'accusa de grande grossièreté, se disant « Si ce pauvre était venu au nom d'un puissant comte ou d'un baron, certainement tu lui aurais donné ce qu'il te demandait. Combien plus volontiers n'aurais-tu pas dû le faire au nom du roi des rois, le seigneur de tous ?» Et il résolut en son cœur de ne jamais refuser ce qu'on lui demanderait au nom du Seigneur.